À 17, hier, il y a une semaine, depuis une semaine. Al-Bariha, منذ أسبوع. Écoutez et répétez. Nous sommes arrivés hier. وصلنا البارحة. Nous sommes arrivés la semaine dernière. وصلنا الأسبوع الماضي. Il m'a téléphoné dimanche dernier. تلفن لي الأحد الماضي. Il est mort l'année passée. توفي السنة الماضية. Elle est née en 1970. ولدت عام 1970. J'ai visité le Caire en septembre dernier. زرت القاهرة في أيلول الماضي. Nous sommes restés un mois. بقينا شهر. Nous sommes arrivés il y a une semaine. وصلنا منذ أسبوع. Nous sommes arrivés il y a deux jours. وصلنا منذ يومين. Je l'ai vu il y a deux ans. رأيته منذ سنتين. Ils ont quitté Damas il y a 10 ans. غادروا دمشق منذ 10 سنين. J'ai réservé 2 places il y a 2 semaines. حجزت مقعدين منذ أسبوعين. Nous habitons ici depuis 8 ans. نسكن هنا منذ 8 سنين. Je suis ici depuis hier soir. أنا هنا منذ البارحة مساء. Nous sommes ici depuis mardi dernier. نحن هنا منذ الثلاثاء الماضي. Je travaille avec eux depuis 5 ans. أعمل معهم منذ 5 سنين. Il est en visite chez nous depuis 5 jours. يزورنا منذ 5 أيام.